Kilimeo, Kilimeo, Kilimeo, Kilimeo, Kilimeo, Kilimeo, Kilimeo, Kilimeo, Kilimeo, comme ça, camper jazz là, s'il vous plaît. Nous parlons camper jazz là pour nous demander à Tissa. À Tissa, elle a chanté, chanté exactement comme ça. Le saxon, mandé, où l'oreille mauvais tata, où les cafards et tout. Si vous éclairez tellement fort. Li tellement fort, il a déchiré toute ville chez moi. Koba, dans sa vie, Koba. Koba, yepa, dans sa vie, Koba. Mais après Dieu son éclairé dans le coin, c'était ça l'espoir. Aide la terre, ça vive à la vie et foi virée. Koba, la vie Koba. Koba, n'y est pas. La vie Koba. Après ça, l'ika du bon ça. Si c'est temps, why? C'est pas grave. Elle a chanté, il y a une guitare, il y a un bas blanc, avec il y a toujours un salopette sous lui. Il a chanté exactement comme ça. Tendez ça. Il a campé avec une guitare, un salopette sous lui, des cheveux blancs et bas blancs. Moi, je dis hip, hip, hip, hip, hip, souffle pour guetter.